Bonjour François Morel. Bonjour. On dit qu'Alain Delon va recevoir la palme d'honneur du Festival de Cannes. Et sur la croisette, on s'agite, on s'inquiète, on proteste, on a peur. On a raison d'avoir peur. Car ce n'est pas Alain Delon qui va venir. C'est un loup sauvage, indiscipliné, une bête féroce qui va sortir de sa tanière. Un animal expressif, agressif, au comportement complexe, aux réactions imprévisibles. Ce n'est pas Alain Delon qui va venir. C'est un chien farouche, insociable, misanthrope, qui depuis longtemps a décidé du coin de campagne où il sera enterré. Parmi ses 30 chiens déjà ensevelis, ses 30 derniers amis. On dit qu'Alain Delon va recevoir la palme d'honneur du Festival de Cannes. Et sur la croisette, on discute, on se rappelle, on convoque les souvenirs. Mais ce n'est pas Alain Delon qui va venir. C'est un tout petit enfant qui fait la fierté de ses parents et qu'un jour on met en pension quand l'amour est mort et que les parents ne s'entendent plus. C'est un enfant abandonné. Ce n'est pas Alain Delon qui va venir. C'est un enfant perdu. Un apprenti charcutier qui va passer son CAP. Un engagé volontaire pour qui l'honneur n'est pas une palme, mais le respect de la parole donnée. Mais la fidélité en amitié. Mais la loi du silence. Un petit voyou qui a de mauvaises fréquentations. Un mauvais coucheur, pas sympathique, pas aimable, provocateur. Ce n'est pas Alain Delon qui va venir. C'est un boxeur qui régulièrement dit sa hantise, sa crainte, son angoisse de faire le combat de trop en venant à la télévision faire la promotion d'un combat de trop. On dit qu'Alain Delon va recevoir la palme d'honneur du Festival de Cannes. Foutaise, mensonge, imposture. C'est un souvenir d'Alain Delon. C'est un fantôme d'Alain Delon qui ne vit plus que dans le cimetière du cinéma qu'il aimait tant et qui était sa vie. Et tandis que le fantôme d'Alain Delon recevra sa palme, Alain Delon sur la croisette s'éloignera en regardant la mer. Il pensera à ses amis disparus, à ses amours mortes. Une vieille larme de vieil acteur coulera sur sa vieille joue ridée. Il pensera à Romy, il pensera à Mireille, il pensera à Visconti, à René Clément, à Jean-Pierre Melville et à Joseph Lauzet. Alain Delon, impeccable, affrontant l'océan, portera beau la mélancolie des disparus. On peut rire, on peut se moquer, on peut se dire aussi avec Gabin « C'est chouette les acteurs, c'est batte les acteurs !»« C'est chouette les acteurs, c'est batte les acteurs !» On dit qu'Alain Delon va recevoir la palme d'honneur du Festival de Cannes. Félicitations, monsieur. Passe le temps, reste les films, et quoi qu'en dise Simone, la nostalgie est toujours ce qu'elle était. Magnifique, merci François Morel et de la part de tout France Inter, félicitations pour votre Molière de meilleur comédien pour votre spectacle. J'ai des doutes.